Bonjour, ceci est un message pour Madame Marie Danneau de la part de votre agence Pôle emploi. Nous vous rappelons que vous avez un rendez-vous de suivi avec votre conseiller le mercredi 20 juin à 14h30. Si vous avez un empêchement, merci de le signaler à l'avance à votre conseiller. Toute absence non justifiée au rendez-vous de suivi peut entraîner une radiation.